donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Johnny 2 à Z ici sur RIG 90.7 sur Bordeaux et le rigfm.fr via internet. Bienvenue dans cette 517e émission Johnny 2 à Z avec pour ce soir un thème bien précis, les duos impossibles, des duos que vous n'avez jamais entendus auparavant. Bien sûr, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été faits ou Julie n'a jamais chanté avec eux, soit sur une scène, soit à la télévision ou quoi que ce soit. C'est Bibi, c'est moi qui les ai préparés pour vous ce soir pour cette fameuse émission. Je vous ai fait déjà découvrir quelques duos impossibles au cours des précédentes émissions depuis le début d'année. Et bien là, ce qu'on va faire, comme je vous l'avais dit, comme c'était promis, je vais vous prévoir une liste de 30 titres à écouter de duos virtuels, sauf un. Il y en a un vraiment qui a été fait par une maison de production, la maison Polydor, vous préférez Universal à la rigueur. Et tous les autres, c'est Bibi qui les a préparés. Oui, oui, oui. Bon, donc on va dire en gros, rien n'est parfait dans la vie, hein, on le sait bien. Et puis aussi, dans les montages, rien n'est parfait. Mais au moins, on va écouter plein d'extraits, plein de duos virtuels. Et puis donc, on partira sur une base musicale, soit sur la version originale, soit sur la base musicale de Johnny Hallyday. Et puis, si vous voyez pas trop ce que je veux dire, ben c'est très simple, on mélange aussi les deux voix, la voix originale et la voix de Johnny Hallyday. Et puis ça peut être une version, je sais pas, live, ça peut être une version studio, ça peut être une version différente de ce qu'on connaît. Et pour montrer un peu qu'est-ce que c'est en gros que les duos impossibles, c'est par exemple le premier duo que je vous ai proposé. Il y en aura quatre avec cet artiste-là, Elvis Presley bien sûr. On va commencer avec Johnny Hallyday et Elvis Presley sur le titre Burning Love, ou autrement dit Promesse. Burning Love est une chanson écrite par Dennis Lind. Et elle est enregistrée pour la première fois par le chanteur de soul Arthur Alexander, qui l'inclut dans son album Arthur Alexander en 1972. Et la version la plus célèbre de Burning Love est celle évidemment de Elvis Presley, sortie chez RCA au mois d'août de la même année. Et la version de Johnny sort sur l'album La Terre Promise en 1975. Et là on part sur la base studio du titre de Elvis Presley. Bonne écoute à tous, voici l'émission Johnny 2 à Z et les duos impossibles. Tu me promets chaque fois. Tu remets toujours à demain l'amour qu'on peut faire aujourd'hui. Mais je n'attendrai pas toujours ouais, ton amour. Thank you. passera chez moi. Oh, et tu remets toujours à demain l'amour qu'on peut faire aujourd'hui. Mais je n'attendrai pas toujours de ton amour. Burn in love, burn in love. I'm just a hunker, hunker, burn in love. I'm just a hunker, hunker, burn in love. I'm a hunker, hunker, burn in love. I'm a hunker, hunker, burn in love. Le prochain titre qu'on va écouter d'ici quelques secondes, ce sera le titre Maintenant ou Jamais. La version originale est de Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now, sorti en 1965. Et Johnny l'a reprise en 1966 sur le IP, le 45 tours Je l'aime. Et on part sur la base de Manfred Mann. On écoute ça sur le thème de RIG. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Qu'il ne vaut mieux pas, si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu, mais c'est maintenant ou jamais. You thinking, oh, that I ain't got any respect. But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Je ne veux pas ni me moquer, ni te moquer de respect. Si tu n'as à me donner qu'un amour fait de mots, mieux vaut rentrer. Si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu, et c'est maintenant ou jamais. To make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's all right. But if you got to go, go now, or else you've got to stay all night. Le prochain titre, ce sera Tomber c'est facile avec le groupe original Howl the Good et Johnny Hallyday. Et le titre original s'intitule Ain't Hard to Stumble par le groupe Howl the Good sur leur unique album nommé Howl the Good en 1972. Et Johnny en fera une cover sur son album Country Folk Rock en 1972 également. Et on part sur la base musicale de Howl the Good. Tu ne fais que ce que tu veux. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Ouais, on fait ses papilles lorsqu'on sait qu'on bout dans les bras. Ouais. I know you've got all it takes. You can learn by your mistakes. Save the heartaches and memories of what not to do. In your ear, don't believe everything that you hear, 'cause your dream will disappear here in front of you. You feel the blues. There's no more left to lose. That's what we all can use. Hey, once in a while. Hey, si quelqu'un peut te garder, toi tu ne fais que passer. L'important dans tout ton machin est sûr que toi tu reviens. Écoutez Johnny de A à Z et les duos impossibles. Don't play rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh. J'ai fait ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs. Avec une voix qui grince comme un 45 tout usé, chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh. So don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So, Troupade rock and roll. Troupade rock and roll. Troupade rock and roll. Pour moi. You had me fooled for a while. With your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, to someone else maybe. The fool you always thought you saw in me. Oh. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Don't play your rock'n'roll, no. Don't play your rock'n'roll, no. Don't play your rock'n'roll. Don't play your rock and roll for me, une chanson du groupe Smokey qui en 1975 sur leur album Changing All the Time. Et la version de Johnny Hallyday, Joue pas de rock and roll pour moi, date donc de 1976 sur l'album Derrière l'amour. Et ce titre a été adapté par Long Chris et on était sur la base du groupe Smokey. On va écouter à présent, on aura deux extraits, deux chansons avec de Johnny Hallyday et avec Kenny Rogers. Johnny a repris deux titres, hein, c'était Sweet Music Man et puis I Wish That I Could Hurt That Way Again, qu'on écoutera un peu plus tard dans, au cours de cette émission. Le premier, ce sera Sweet Music Man de Kenny Rogers sur l'album Daytime Friends, datant de 1977, et la cover de Johnny date de 1978 sur l'album Solitude à deux. Autrement dit, c'était Revoilà ma solitude. Et on part sur la base de l'album de Johnny Hallyday, Solitude à deux, Revoilà ma solitude. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Thank you. attend déjà, elle est presque là. Singing songs that you made. You're making your living doing one night stands that they don't need. You're still a hell of a singer, but a broken man. But you keep on looking for one last thing to sing to. But nobody sings a love song quite like you do. And nobody else can bear to sing along. I believe in you. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. On croit pouvoir s'aimer pour la vie. Ce que l'on a cru un jour, on veut y croire pour toujours. Mais déjà on se perd dans la nuit. Je l'aime. Je l'aime. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh girl, girl, girl. Je ne l'oublierai jamais, je la cherche dans les rues comme un fou. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said les défaites de la vie marquent un garçon pour longtemps. Le saura-t-elle quand je serai mort? Oh girl, je Impossible Johnny Hallyday et les Beatles. Girl, extrait de l'album Rubber Soul des Beatles en 1965, et Hugo Frey et Evelyn Buggy écrivant les paroles pour Johnny sous le titre Je l'aime pour le EP du même nom en 1966, et on était sur la base musicale des Beatles. Le prochain titre sera Cours plus vite Charlie, le duo Impossible avec Johnny Hallyday et Eddie Cochran. Le titre original d'Eddie Cochran, c'est Cut Across Shorty de 1960, et on retrouve ce titre, la version de Johnny, sur l'album Rêve et Amour. On retrouve cette cover sous le titre

Love Me Tender dans la version américaine, bien sûr, la chanson emblématique d'Elvis Presley qui date de 1956. Et là, on partait carrément sur la base musicale du Johnny Symphonique que Yvan Cassar a sorti il y a à peu près maintenant un an ou deux de ça. Maintenant, et il y aura un autre extrait, John Hayden et Kenny Rogers, aussi également sur une base musicale de l'album Johnny Symphonique. À présent, on va retrouver un duo. Il y aura deux duos avec ce chanteur-là, avec Bob Seger, Johnny et Bob Seger, avec le titre Deux étrangers, Brave Stranger et le titre original, extrait de l'album Stranger in Town de 1978 pour Bob Seger. Et ce titre sera adapté sur l'album En pièces détachées en 1981, donc sous le titre Deux étrangers, et on part sur la base musicale de Bob Seger. shaking, disappearing in the night. Saw each other a few times after, but we never really got it right. We were lovers, just plain strangers, as we roll and we tumble through the night. We were players, not a ranger, and we jammed. Possible, John Hallyday et Yodelis, autrement dit Maxime Nucci, ils auraient pu le faire, ces deux, ce titre-là ensemble. Ils auraient pu, car ce titre-là, Breathe In, devient J'inspire sur l'album Jamais Seul de John Hallyday en 2011. Et cette chanson, Breathe In, est extrait de l'album Cardiode de 2010, chez Yodelis. Et on est parti sur la base de 2011, J'inspire de Johnny Hallyday. À présent, un autre duo impossible avec le titre de Didi, MC Fairson, Let the Good Time Roll, extrait de l'album du même nom de 2015,

Pour les deux chansons, aussi bien pour John Hayden que pour le groupe Emerson, Lake & Palmer. Le titre original est sorti en 1977 sur l'album de ce groupe rock progressif qui s'appelait Rocks Volume 1 et sur donc l'album de Johnny C'est la vie en 1977. On était sur la base, vous l'avez reconnu, du groupe Emerson, Lake & Palmer. À présent, on va écouter Que j'ai tort ou raison, le duo impossible John Hayden et Gary White. Ils auraient pu faire un duo tous les deux. Ben oui, parce que Gary White a composé et écrit pour John Hayden sur l'album entre autres Flagrant délit et tant d'autres. Gary White est l'auteur donc de cette chanson de base pour John Hayden et a repris cette chanson sur son album solo Footprint en 1971, peu de temps après que l'album que Johnny ait sorti son album Flagrant délit. On part sur la base de Gary White. J'aime bien aussi ce duo là. Que j'ai tort ou raison de vouloir t'aimer. Never has there been another above you. Forever I know I will be thinking of you. Together we got everything that this world has to share. Que j'ai tort ou raison de vouloir t'aimer, c'est à moi de choisir. Ils n'ont pas le droit de nous déclarer la guerre. C'est à moi de choisir. Ils n'ont pas le droit de nous déclarer la guerre. Oh. Whether it's right or wrong for me to love you, who could judge in a way and still be fair? J'aimerais savoir au nom de quoi ils jugent et pourquoi leur regard nous accuse. Ils ont leur morale et moi j'ai la mienne. Whether it's right or wrong for me to live, I don't know or I don't care. Cause right or wrong, I can never change my feelings. I only know loneliness just ain't a Johnny Hallyday et les duos impossibles, c'est ce que je vous présente ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Bonnie and Clyde étaient tous deux jeunes et beaux. On aurait dit qu'ils étaient les enfants du diable. Bonnie and Clyde, c'est en volant une auto qu'ils se sont rencontrés, ce jour fut mémorable. Dans un drugstore, ils ont pillé puis la fuite. Dans la poursuite, raflant des bagnoles, pour mieux se cacher et plus vite. Bonnie and Clyde advanced their reputation and made the graduation into the banking business. Reach for the sky, sweet talking Clyde would holler as Bonnie loaded dollars in the jewel bag. Now one brave man, he tried to take them alone. They left him lying in a pool of blood and laughed about it. Clyde était bien l'ennemi public numéro un. Running and hiding from every American lawman's gun. Les coups au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien tôt ou tard. But pretty soon they'd be lying beneath the ground together. Au matin bien dans la prairie remplie de fleurs pour mourir. La trahison venant d'une information, la police prend un piège à lui et sa compagne. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. Bonnie and Clyde, la main dans la main. Bonnie and Clyde ont trouvé la fin. Bonnie and Clyde, they lived a lot together, and finally together they died. The History of Bonnie and Clyde par Georgie Frame, un titre original datant de décembre 1967 et adapté en français par George Abert en 1968 pour Johnny Hallyday. Et évidemment, vous avez bien reconnu, on est parti sur la base originale. À présent, un petit rock'n'roll. On va partir du côté de Memphis, Memphis USA. Un duo impossible, hein, virtuel si vous préférez, de Johnny Hallyday et Chuck Berry. Ce titre date de 1959, ce titre de Chuck Berry est francisé en 1975 sur l'album Rockin' Memphis par Michel Mallory, et on part sur la base de Rock à Memphis. Long distance information, me Memphis, Tennessee. Help me find a party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know a place to call. The smile goes to the message and Chuck Berry d'avoir écrit cette chanson. Information. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En tout de suite en live, Johnny Hallyday et John Fogerty sous le titre Fils de personne en Fortunate Son. Fortunate Son en live avec John Fogerty. Fortunate Son, des titres des Creedence Clearwater Revival, repris en live en 2006 sur l'album The Long Road Home par son chanteur John Fogerty et coverisé en 71 sur l'album Flagrant Délit. Et on était sur la basse de John Fogerty avec la voix de Johnny Hallyday de 1979. Voici un duo que j'aime beaucoup, Elvis Presley et Johnny Hallyday. J'ai pleuré sur ma guitare, Loving Arms, sur RIG. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while,

Ah, je suis bien content de ce petit duo impossible, ce duo virtuel. On va passer au titre suivant, La ville des âmes en peine, ou si vous préférez, la chanson Lonesome Town, un titre de Ricky Nelson, sorti en 1959 sur son album Ricky Sings Again. Et Johnny reprend ce titre en 1996 pour son show à Las Vegas. Et on part sur la base musicale de John Hallyday à Las Vegas. Where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. Lonesome Town, a la boutique au souvenir. Se croire presque heureux. Je vois s'en aller mes rêves dans cette ville des âmes en peine. J'apprends à oublier. Ouais. That's why I go for that rock and roll music. Charles, they had a jubilee. Then Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. Who's they make you just turn rock and roll music? You're not for my season. Se passer de tout pas de lui. Écoutez Cochrane et Buddy Holly. Je voudrais en chanter toute la vie. Avec le retour de tous mes ennuis. The boy a go the rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat you can't lose it. Any old time you use it. Quand j'entends du rock and roll music, j'ai comme envie de danser. Rock and Roll Music, les Johnny Hallyday et les Beatles. C'est un standard rock and roll de Chuck Berry à la base, repris par les Beatles en 1964 sur l'album For Sale. Et Johnny la reprendra en 1965 sur son album Alléluia. Et vous avez pu entendre cette version-là sur la base des Beatles. Le prochain titre qu'on va écouter dans l'émission Impossible, du moins les duos Impossible de l'émission Johnny de A à Z, c'est le duo Bob Seger et Johnny Hallyday avec la chanson Still the Same ou Toujours le Même. Encore un titre donc de Bob Seger de l'album Stranger in Town de 1978, repris en 1981 sur l'album Pas Facile de Johnny Hallyday, sur une base musicale de Bob Seger. Me revoilà, je n'ai pas su t'oublier. Cette fois, je ne veux plus m'en aller. Tu es là, plus belle que par le passé. Et tu as si peu changé. Le temps a dû s'arrêter. You always said, 'cause I never knew you wrong.

Oui, que vais-je faire? Vers quel néant? Et qui sera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, tu sais, c'est tout petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Un truc à vous dire. Ouais. Au revoir, baba, louba, bala, bim, boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Bon, ça va. Moi et j'ai froid dans le cœur. Oh, la vie est contre moi, mais je n'ai jamais peur. Ouais, je n'ai pour tout bagage qu'un billet sans retour. Matchbox ou Un garçon sur la route, le duo virtuel de June Hallyday et de Carl Perkins. Le classique rock'n'roll de Carl Perkins de 1956 devient Un garçon sur la route, extrait de l'album Rockin' Fist de 1975, et on était parti sur la base de Johnny sur l'album donc Rock à Memphis. On va écouter bientôt deux duos, un duo avec Judassin et un duo avec Elvis Presley à la suite. Le premier, c'est La Guitare Fait Mal, le duo virtuel, duo impossible, Johnny Hallyday et Judassin. Ils étaient amis, hein, on le sait bien. Et la version originale est de Judassin et en français sous le titre Le Marché aux Puces, américanisé par Johnny Joe White en 1979 sous le titre The Guitar Don't Lie et adapté à nouveau par Étienne Rodagil en 1991 sur l'album Ça ne change pas un homme. On part sur la base musicale de Judassin, The Guitar Don't Lie. Toute la nuit, il a joué sur sa guitare, au fond d'un vieux café. Un peu de soleil sur le gaudron mouillé, mais les gens s'en vont, le jour va se lever. C'est la dernière chanson, un amour blessé. Et la guerre quelque part, plus loin du café, comme un amour bizarre, il ne peut jamais rentrer. Tout ça est normal, et la guitare fait mal. There's a lady he knows who often comes by. She's a nice little girl and she's into the blues. The request is the same song every night. She says it reminds her of someone she knew. A trace of her perfume floats across the room. Once they were close and they shared all their dreams, but now all he feels is a physical thing. They grow slowly apart and the guitar don't lie. Il jouait pour pouvoir l'aimer, malgré les journées où il perdait sa vie. Pour la voir arriver, en venait la nuit. He knows what it's all about, feeling down and out. Cause he's been there before, and he's seen it all. And you learn to survive with your back to the wall. It's a crazy old life, and the guitar don't lie. The guitar don't lie. Je la vois passer. Elle mange une glace et elle n'est pas pressée. Oh, oh, oh. Elle elle me sourit. Pour une vie comme ça, moi je suis comme un fou. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Geste de la main, c'est pour moi, elle m'appelle, salut les copains. Oh. Elle me sourit, oh yeah. Oh oui, pour une vie comme ça. Oui, moi je suis, oui, comme un fou. Elle a des hanches, a fait rêver, et son t-shirt ne peut rien cacher. Tout ce que daddy's side, that's how my love is gonna keep us tied. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'll the rest of life. Je suis comme un fou, alors je reste là. Oh oui, je suis comme un fou. Un nouveau duo, donc John Hayden et Elvis Presley avec Stuck on You, aussi la chanson Comme un fou. Donc Stuck on You, titre de 1960, interprété par Elvis et repris en 75 sur l'album Rock à Memphis par Johnny. Et on était sur la base de John Hayden de Rock à Memphis. Country music à présent avec Les larmes de Belinda, ou autrement dit Linda on my mind, par Conway Twitty, chanteur de country music, qui sortit ce titre en janvier 1975 et Johnny le reprit pour son album La T'as promise en 1975 également, et on part sur la base musicale de Johnny Hallyday. Now I'm lying here with Linda on my mind, and next to me my soon to be, the one I left behind. And Lord, it's killing me to see her crying. She knows I'm lying here beside her with Linda on my mind. Quand un train s'en va, il laisse quelqu'un qui pleure et qui reste. Je me suis trompé, Belinda, attends-moi. But it just wasn't in my plan, the way Linda squeezed my hand. The first time that I held her close as she danced with me. Elle m'avait promis, j'attendrai, mais les filles n'attendent jamais. Et je suis seul dans ce train sans retour. But my love for you is stronger, I can't hide it any longer. And so I thought I'd better let you know. Je n'oublierai pas les larmes de Belinda. Je vois encore ses longs cheveux que le vent caressait. Elle restait seule sur le quai de la gare. et dans mon cœur, elle est encore là. Belinda, près de moi. I knew my heart would grow out in the street, loaded at your feet. Victim, victim, I'm a victim of romance. Là, dans la nuit, le tueur était ta fille. Oui, j'ai vu son regard beaucoup trop tard. Là, ouh, oh, ça fait mal. Au droit au cœur en rafale, il a tiré et je suis tombé. Victime, victime. Oui, je suis victime de June Hallyday et Moon Martin, victime de l'amour, ou proprement dit Victim of Romance, titre écrit par Moon Martin mais interprété en premier par Michelle Phillips en 1977, et Moon Martin la reprend en single en 1978, et George Abert l'adapte pour Johnny en 1982 pour les besoins de l'album La Peur, et on était sur la base de Johnny Hallyday. Le prochain titre qu'on va écouter, il ne reste plus que deux titres pour cette soirée, les duos impossibles June Hallyday sur RIG. Ce sera Fille de la Nuit ou Delta Lady si vous préférez, de Joe Cocker, titre écrit par Leon Russell pour Joe Cocker, pour son album Joe Cocker, point d'exclamation, de 1970. Johnny la chante pour l'album Flagrant Délit en 1971, et on part sur la base musicale de Johnny Hallyday. And I with the desire to satisfy your longing for warm and tender shelter of my body. Oh, your visage dans le noir. Prochain et dernier duo, bon, c'est même pas un duo impossible, c'est même pas moi qui l'ai réalisé ce duo-là, c'est la maison de disques Universal qui l'a réalisé pour la sortie de l'intégrale de Daniel Balavoine en décembre 2020. Le titre s'intitule « Je ne suis pas un héros », titre de Daniel Balavoine bien sûr, et la voix témoin de Daniel en 1980 était faite pour la maquette de Johnny Hallyday pour la chanson « Je ne suis pas un héros » de la chanson « À partir de maintenant ». On l'a déjà écouté sur RG, déjà maintes fois dans l'émission Johnny de A à Z, et là ce soir on la réécoute pour cette occasion dans l'émission Johnny de A à Z, les duos impossibles. Et ça c'est un duo possible, c'est déjà sorti dans le commerce, les autres non. Je monte sur scène comme on prend le dernier train. On a une histoire de drame. Oui, il faut trouver la flamme qui brûle. Mais pour toucher les femmes qui me tendent les mains. Mais qui me crie qu'elle m'aime et dont je ne sais rien. S'accrocha mes larmes devant, en croyant m'aider à porter tous mes chagrins. Moi je sais qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de pied dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien l'emporter. Ce que les autres n'ont pas voulu garder. Elle pense là qu'aujourd'hui je suis fatigué. prochaine, cette émission Johnny 2AZ, la 517e émission sur RIG avec les duos impossibles que votre serviteur Eric Gallo vous a préparé pendant plus de 2 heures. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission dès demain ou après-demain en podcast sur toutes les plateformes podcast disponibles. Oui, oui madame, oui monsieur, c'est possible, tout ça c'est possible. On se retrouve d'ici 15 jours pour une prochaine émission de Johnny de A à Z. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.